Mélange de genre. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Du personnage qui arrive nulé. Métis. Un genre bizarre. Le foutre putain. Le foutre pas. Forcé à penser la complexité à travers l'espace et le temps, penser complexité, le mélange des genres. Thank you. Côté Thank you. Thank you. Auto-tune. Harder, better, stronger, harder. California. Oh, putain d'auto-tune.